douceur, efface tes peines. Pourquoi tu pleures? On est les mêmes. On t'a menti, prise pour acquise. Faut que tu laisses, même si tu l'aimes. Oui, je sais que tu essayes de t'accrocher à toutes ces choses que t'as données et que tu ne pourras jamais récupérer. Le regard vide comme une poupée, peur d'être jugé comme un enfant, coupable de ce cœur écorché. Plus rien ne sera comme avant. Mais as-tu compris la leçon? Ma chérie, le monde est méchant. Tu grandis, tu te poses des questions auxquelles t'auras pas de réponse. C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? Allô la terre, dis-moi ce qui tourne par rond. J'ai le cœur scellé et je ne trouve plus la clé dans la lumière. Je me demande si je serai là demain. J'avais rien mais j'ai donné. On t'avait promis la belle vie. C'est se faire du mal sans savoir. Figelbi et Fibelli. Le jour où tu seras plus c'est là. C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? Allô la terre, dis-moi ce qui tourne par rond. J'ai le cœur scellé et je ne trouve.